clown marrant, plein de vie de couleur. Dès lors je suis clown blanc, je suis triste et je pleure. J'en ai fait rire des gosses, de glissade en jeu de mots. J'ai bien roulé ma bosse, par monts et chapiteaux. J'en ai fait rire des femmes et sans en avoir l'air. Mais te faire rire aux larmes fut ce que je préfère. Aujourd'hui je suis triste, triste de te voir partir, te voir quitter la piste en emportant ton rire. J'ai peur de la solitude, peur du regard des gens. Je sens la lassitude m'envahir doucement. J'ai dû perdre la fibre, le sens de l'humour. Jamais je ne fus libre d'apprivoiser l'amour. Quand j'entrais sur la scène, je n'avais qu'une envie, que tout le monde m'aime, te délaissant mamie. Aujourd'hui je suis triste, triste de te voir partir, te voir quitter la piste en emportant ton rire. Pa-la-la, pa-la-la-la, pa-la-la-la, pa-la-la, pa-la-la, pa-la-la-la, pa-la-la-la, pa-la-la, pa-la-la-la-la, pa-la-la-la, pa-la-la-la, pa-la-la, pa-la-la, pa-la-la-la, pa-la-la-la, pa-la-la. J'étais un clown sympa, joyeux et facétieux. Je faisais un tabac et même des envieux. J'adorais mon métier, il me tenait à cœur. Sans rien faire à moitié, je vendais du bonheur. De farce en canular, aurais-je pu douter que contre moi mon art allait se retourner. Aujourd'hui je suis triste, triste de te voir partir, te voir quitter la piste en emportant ton rire. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Aujourd'hui je suis triste, triste de te voir partir, te voir quitter la piste en emportant ton rire.